quand j'ai mal à la tête. J'perds des neurones quand j'allume mon pet. T'es venu sans toi, je ne fais que penser. J'rentre vers chez toi quand j'suis défoncé. Et poto, j'te vois pas, t'es où? Pourtant t'es là quand j'te dois des sous. J'ai même la flemme d'aller à mes rendez-vous. Vous avez pas compris, faut me rendre des fous. J'suis dans mon monde, ils veulent m'y lever. Ils insultent les morts, ils veulent se faire lever. J'vois des trucs de fous, des potos j'nounais. Des petits qui cambutent toute la sainte journée. Et je tourne et je tourne en rond. Je ne trouve plus rien de marrant. Ça se nique même pour un marrant. Ça pense plus aux parents. Je tourne, je tourne en rond. Je tourne, je tourne en rond. Je tourne.